urbaine sur Framboise en direct du Met de Lausanne avec Ferry Corsten. La scène techno hollandaise est riche et on a quelqu'un vraiment d'exceptionnel ce soir, un DJ en or, hein. Ferry Corsten.

musique urbaine sur Framboise en direct du Mat de Lausanne avec le guest de cette teuf. Quelle belle teuf au Mat, hein. Le guest, c'est Ferry Corsten qui déchire tout partout sur la planète. Il est hollandais, hein, Ferry Corsten, et en Hollande aussi, hein, grosse star. Il se produit dans les plus gros événements hollandais devant des dizaines de milliers de personnes. C'est lui, Ferry Corsten, qui est derrière des projets tels que System F et Gouriela. On le compare déjà à DJ Tiesto. On parle de relève de DJ Tiesto en Hollande, hein, lorsqu'on prononce le nom de Ferry Corsten. D'autres personnes disent également qu'il commence gentiment mais sûrement à emprunter le chemin de Paul Oakenfold en matière de progressive house et de dance. D'ici 2 ans, tout le monde le voit comme le DJ numéro 1 en trance et en progressive. Ferry Corsten, c'est une exclue framboise dans le culture band. C'est une exclue suisse puisqu'il a choisi framboise, il a choisi le MAB pour venir mixer chez nous, dans notre Suisse. Ferry Corsten dans le Culture Dance. Oh, comme c'est beau. Jusqu'à 3h. Jusqu'à 3h du mat. À la radio, et jusqu'à 3h30, puisqu'il il a commencé à 1h30. Hein, il est parti pour 2h de set. 2h de pur son techno, trance et prog. Ferry Corsten, donc, jusqu'à 3h à la radio et jusqu'à 3h30 au MAB. Et puis, si vous avez encore envie de bouger sur le son du week-end, vous nous rejoignez au MAB à Lausanne, puisque juste après Ferry Corsten, c'est DJ Spock qui assurera la suite de la soirée avec un set entre 3h30 et 5h du mat. On l'a vu tout à l'heure, il est content, il est heureux, hein, DJ Spock, parce que le MAB est archi comble. Ce soir, c'est plein à craquer et forcément, ça fait plaisir, hein, de reprendre après un DJ comme Ferry Corsten. Bonne soirée en tout cas avec nous, bonne nuit, profitez un maximum, restez là, hein. N'allez pas encore vous coucher, vous risqueriez de louper quelque chose quand même, hein, parce que Ferry Corsten est déchaîné aux platines du MAD ce soir. Vous restez bien près de la radio puisque vous pourrez gagner d'ici 30 minutes des places pour le prochain Culture Bands en live du Fun Planet de Villeneuve. Ça sera samedi entre 23h et 3h du MAD. On fêtera la sortie de la toute nouvelle galette d'une certaine Tatana. Culture Bands sur Framboise jusqu'à 3h. C'est Greg. C'est le grand cerveau. If I could hear the greatest sound, the silence of forest in the early morning, just interrupted in a prelude by the lonely call of a bird, I would answer. If I could have my body bend to be reluctant glass of crystal clear water, water which is not polluted by chemical industry, I could taste the freshness of the unspoiled nature. Now that I'm here, breaking my relationship with time and space, I'm watching my life through the clear glasses of the window. I get aware of the small things, which are least the greatest. I left my physical form of life behind. I realized my blunted and senseless way of life. I should have lived my life much more conscious. I should have lived my life much more conscious. Much more conscious. Much more conscious. Much more conscious. We'll be right back. Culture Urbaine, son live du MAD. Culture Benz en direct du Mat de Lausanne avec Ferry Corsten. Encore 5 minutes, 5 petites minutes de pur bonheur. Ferry Corsten, il a remixé les plus grandes stars, Faceless, Moby, U2, Future Breeze ou encore Madonna. Profitez un maximum, hein, 4 minutes avec Ferry Corsten. Merci en tout cas à Vespa 63, à Xtreme, à DJ Spock et à Ferry Corsten pour le live de ce soir. Du gros live, hein, du gros, gros live ce soir. 23h, 3h comme à chaque fois. Hein. Prochain Culture Ben samedi dans une semaine en direct du Fun Planet de Villeneuve. Même heure, 23h, 3h. Par contre, ce n'est pas le même endroit. Hein. Fun Planet à Villeneuve avec Tatana. On fêtera la sortie de toute nouvelle compile Tatana au Fun Planet avec Spock, avec Vespa 63 aussi. J'ai des invites à vous offrir maintenant. Greg@framboise.ch. Mon email est open, greg@framboise.ch, ou alors par SMS au 939 939, JEU, avec vos coordonnées complètes. On vous contactera dans la semaine, hein, pour savoir si vous avez gagné ces invites. Bonne soirée en tout cas, et merci à Ferry Corsten. Hein, prochaine date du Culture Dance samedi prochain, on l'a dit. Et puis si vous avez envie de suivre un petit peu ce que fait Ferry Corsten, bah, sachez qu'il sera en Espagne, à Madrid demain déjà, en Russie ensuite, en Malaisie, à Singapour, en Belgique, à Israël même, en Angleterre, et puis il passera par Ibiza le 6 juin prochain. Culture Dance, c'est pratiquement terminé pour ce soir. On se quitte avec les toutes dernières minutes du set de Ferry Corsten. Bonne soirée, je vous retrouve demain à 13h pour le top. Bye. We'll be right back.